la ligne de démarcation semble difficile à établir. Car certains animaux ont, sous ce rapport, une supériorité notoire avec certains hommes. Cette ligne de démarcation peut-elle être établie d'une manière précise? Réponse. Sur ce point, vos philosophies ne sont guère d'accord. Les uns veulent que les hommes soient un animal et d'autres que l'animal soit un homme. Ils ont tous tort. L'homme est un être à part qui s'abaisse quelquefois bien bas ou qui peut s'élever bien haut. Au physique, l'homme est comme les animaux et moins bien pourvu que peut-être dans certains d'entre eux. La nature leur a donné tout ce que l'homme est obligé d'inventer avec son intelligence pour ses besoins et sa conservation. Son corps se détruit comme celui des animaux, c'est vrai, mais son esprit a une destinée que lui seul peut comprendre, parce que lui seul est complètement libre. Pauvre homme, qui vous abaissez au-dessous de la brute, ne savez-vous pas vous en distinguer? Reconnaissez l'homme à la pensée de Dieu. Repère 593, question. Peut-on dire que les animaux n'agissent que par instinct? Réponse. C'est encore là un système. Il est bien vrai que l'instinct domine chez la plupart des animaux, mais n'en vois-tu pas qui agissent avec la volonté déterminée? C'est de l'intelligence, mais elle est bornée. Commentaire. Outre l'instinct, on ne saurait dénier à certains animaux des actes combinés qui dénotent une volonté d'agir dans un sens déterminé et selon les circonstances. Il y a donc en eux une sorte d'intelligence, mais dont l'exercice est plus exclusivement concentré sur les moyens de satisfaire leurs besoins physiques et de pourvoir à leur conservation. Chez eux, nulle création, nulle amélioration. Quel que soit l'art que nous admirons dans leurs travaux, ce qu'ils faisaient jadis, ils le font aujourd'hui ni mieux ni plus mal, selon des formes et des proportions constantes et invariables. Le petit, isolé de ceux de son espèce, n'en construit pas moins son nid sur le même modèle sans avoir reçu d'enseignement. Si quelques-uns sont susceptibles d'une certaine éducation, leur développement intellectuel, toujours enfermé dans des bornes étroites, est dû à l'action de l'homme sur une nature flexible, car il n'est aucun progrès qui leur soit propre. Mais ce progrès est éphémère et purement individuel, car l'animal, rendu à lui-même, ne tarde pas à rentrer dans les limites tracées par la nature. Repère 594. Question. Les animaux ont-ils un langage? Réponse. Si vous entendez un langage formé de mots et de syllabes, non. Mais un moyen de communiquer entre eux, oui. Ils se disent beaucoup plus de choses que vous ne croyez. Mais leur langage est borné, comme leurs idées, à leurs besoins. Question. Il y a des animaux qui n'ont point de voix, ceux-là ne paraissent pas avoir de langage. Réponse. Ils se comprennent par d'autres moyens. Vous autres hommes, n'avez-vous que la parole pour communiquer? Et les muets, qu'en dis-tu? Les animaux, étant doués de la vie de relation, ont des moyens de s'avertir et d'exprimer les sensations qu'ils éprouvent. Crois-tu que les poissons ne s'entendent pas entre eux? L'homme n'a donc point le privilège exclusif du langage. Mais celui des animaux est instinctif et limité par le cercle de leurs besoins et de leurs idées, tandis que celui de l'homme est perfectible et se prête à toutes les conceptions de son intelligence. Commentaire. Les poissons, en effet, qui émigrent en masse, comme les hirondelles qui obéissent au guide qui les conduit, doivent avoir des moyens de s'avertir, de s'entendre et de se concerter. Peut-être est-ce par une vue plus perçante qui leur permet de distinguer les signes qu'ils se font? Peut-être aussi l'eau est-elle un véhicule qui leur permet certaines vibrations? Quel qu'il soit, il est incontestable qu'ils ont un moyen de s'entendre, de même que tous les animaux privés de la voix et qui font des travaux en commun. Doit-on s'étonner, d'après cela, que les esprits puissent communiquer entre eux sans le secours de la parole articulée? Repère 595. Question. Les animaux ont-ils le libre arbitre de leurs actes? Réponse. Ce ne sont pas de simples machines, comme vous le croyez, mais leur liberté d'action est bornée à leurs besoins et ne peut se comparer à celle de l'homme. Étant de beaucoup inférieurs à lui, ils n'ont pas les mêmes devoirs. Leur liberté est restreinte aux actes de la vie matérielle. Repère 596. D'où vient l'aptitude de certains animaux à imiter le langage de l'homme? Et pourquoi cette aptitude se trouve-t-elle plutôt chez les oiseaux que chez le singe, par exemple, dont la conformation a le plus d'analogie avec la sienne? Réponse. Conformation particulière des organes de la voix, secondée par l'instinct d'imitation. Le singe imite les gestes, certains oiseaux imitent la voix. Repère 597. Question. Puisque les animaux ont une intelligence qui leur donne une certaine liberté d'action, y a-t-il en eux un principe indépendant de la matière? Réponse. Oui, et qui survit au corps. Question. Ce principe est-il une âme semblable à celle de l'homme? Réponse. C'est aussi une âme, si vous voulez. Cela dépend du sens que l'on attache à ce mot, mais elle est inférieure à celle de l'homme. Il y a entre l'âme des animaux et celle de l'homme autant de distance qu'entre l'âme de l'homme et Dieu. Repère 598. Question. L'âme des animaux conserve-t-elle, après la mort, son individualité et la conscience d'elle-même? Réponse. Son individualité, oui, mais non la conscience de son moi. La vie intelligente reste à l'état latent. Repère 599. Question. L'âme des bêtes a-t-elle le choix de s'incarner dans un animal plutôt que dans un autre? Réponse. Non, elle n'a pas le libre arbitre. Repère 600. Question. L'âme de l'animal survivant au corps est-elle après la mort dans un état errant, comme celle de l'homme? Réponse. C'est une sorte d'éracité, puisqu'elle n'est pas unie à un corps, mais ce n'est pas un esprit errant. L'esprit errant est un être qui pense et agit par sa libre volonté. Celui des animaux n'a pas la même faculté. C'est la conscience de lui-même qui est l'attribut principal de l'esprit. L'esprit de l'animal est classé après sa mort par les esprits que cela concerne, et presque aussitôt utilisé. Il n'a pas le loisir de se mettre en rapport avec d'autres créatures. Repère 601, question. Les animaux suivent-ils une loi progressive comme les hommes? Réponse. Oui. C'est pourquoi dans les mondes supérieurs où les hommes sont plus avancés, les animaux le sont aussi, ayant des moyens de communication plus développés, mais ils sont toujours inférieurs et soumis à l'homme. Ils sont pour lui des serviteurs intelligents. Commentaire. Il n'y a rien là d'extraordinaire. Supposons nos animaux les plus intelligents, le chien, l'éléphant, le cheval avec une conformation appropriée aux travaux manuels, que ne pourrait-il pas faire sous la direction de l'homme? Repère 602, question. Les animaux progressent-ils, comme l'homme, par le fait de leur volonté ou par la force des choses? Réponse. Par la force des choses, c'est pourquoi il n'y a point pour eux d'expiation. Repère 603. Question. Dans les mondes supérieurs, les animaux connaissent-ils le Dieu? Réponse. Non, l'homme est un Dieu pour eux, comme jadis les esprits ont été des dieux pour les hommes. Repère 604. Question. Les animaux, même perfectionnés dans les mondes supérieurs, étant toujours inférieurs à l'homme, il en résulterait que Dieu aurait créé des êtres intellectuels perpétuellement voué à l'infériorité, ce qui paraît en désaccord avec l'unité de vue et de progrès que l'on remarque dans toutes ses œuvres. Réponse. Tout s'enchaîne dans la nature par des liens que vous ne pouvez encore saisir, et les choses les plus disparates en apparence ont des points de contact que l'homme n'arriverait jamais à comprendre dans son état actuel. Il peut les entrevoir par un effort de son intelligence, mais ce n'est que lorsque cette intelligence aura acquis tout son développement et sera affranchie des préjugés de l'orgueil et de l'ignorance qu'elle pourra voir clairement dans l'œuvre de Dieu. Jusque-là, ses idées bornées lui font voir les choses à un point de vue mesquin et rétréci. Sachez bien que Dieu ne peut se contredire et que tout dans la nature s'harmonise par des lois générales qui ne s'écartent jamais de la sublime sagesse du Créateur. Question. L'intelligence est ainsi une propriété commune, un point de contact entre l'âme des bêtes et celle des hommes? Réponse. Oui, mais les animaux n'ont que l'intelligence de la vie matérielle. Chez l'homme, l'intelligence donne la vie morale. Repère 605. Question. si l'on considère tous les points de contact qui existent entre l'homme et les animaux, ne pourrait-on pas penser que l'homme possède deux âmes, l'âme animale et l'âme spirit, et que, s'il n'avait pas cette dernière, il pourrait vivre, mais comme la brute. Autrement dit, que l'animal est un être semblable à l'homme, moins l'âme spirit. Il en résulterait que les bons et les mauvais instincts de l'homme seraient l'effet de la prédominance de l'une de ces deux âmes. Réponse. Non. L'homme n'a pas deux âmes, mais le corps a ses instincts, qui sont le résultat de la sensation des organes. Il n'y a en lui qu'une double nature, la nature animale et la nature spirituelle. Par son corps, il participe de la nature des animaux, et de leur instinct, par son âme, il participe à la nature des esprits. Question. Ainsi, outre ses propres imperfections dont l'esprit doit se dépouiller, il a encore à lutter contre l'influence de la matière. Réponse. Oui, plus il est inférieur, plus les liens entre l'esprit et la matière sont resserrés. Ne le voyez-vous pas? Non, l'homme n'a pas deux âmes. L'âme est toujours unique dans un seul être. L'âme de l'animal et celle de l'homme sont distinctes l'une de l'autre, de telle sorte que l'âme de l'un ne peut animer le corps créé par l'autre. Mais si l'homme n'a pas d'âme animale qui le mette, par ses passions, au niveau des animaux, il a son corps qui le rabaisse souvent jusqu'à eux, car son corps est un être doué de vitalité qui a des instincts, mais inintelligent et borné aux soins de sa conservation. Commentaire. L'esprit, en s'incarnant dans le corps de l'homme, lui apporte le principe intellectuel et moral qui le rend supérieur aux animaux. Les deux natures qui sont dans l'homme donnent à ses passions deux sources différentes. Les unes provenant des instincts de la nature animale, les autres des impuretés de l'esprit dont il est l'incarnation et qui sympathisent plus ou moins avec la grossièreté des appétits animaux. L'esprit, en se purifiant, s'affranchit peu à peu de l'influence de la matière. Sous cette influence, il se rapproche de la brute. Dégagé de cette influence, il s'élève à sa véritable destination. Repère 606, question. Où les animaux puissent-ils le principe intelligent qui constitue l'espèce particulière d'âme dont ils sont doués? Réponse. Dans l'élément intelligent universel. Question. L'intelligence de l'homme et celle des animaux émanent donc d'un principe unique. Réponse. Sans doute, mais dans l'homme, il a reçu une élaboration qui l'élève au-dessus de celui qui anime la brute. Repère 602. Question. Il a été dit que l'âme de l'homme a son origine et l'état de l'enfance à la vie corporelle, que son intelligence éclot à peine et qu'elle cessait à la vie. Où l'esprit accomplit-il cette première phase? Réponse. Dans une série d'existences qui précèdent la période que vous appelez l'humanité. Question. L'âme semblerait ainsi avoir été le principe intelligent des êtres inférieurs de la création? Réponse. N'avons-nous pas dit que tout s'enchaîne dans la nature, étant à l'unité? C'est dans ces êtres que vous êtes loin de connaître tous que le principe intelligent s'élabore, s'individualise peu à peu et cesse à la vie, comme nous l'avons dit. C'est, en quelque sorte, un travail préparatoire, comme celui de la germination, à la suite duquel le principe intelligent subit une transformation et devient l'esprit. C'est alors que commence pour lui la période de l'humanité, et avec elle la conscience de son avenir, la distinction du bien et du mal, et la responsabilité de ses actes. Comme après la période de l'enfance vient celle de l'adolescence, puis la jeunesse et enfin l'âge mûr, il n'y a, du reste, rien dans cette origine qui doive humilier l'homme. Les grands génies sont-ils humiliés pour avoir été d'informe fœtus dans le sein de leur mère? Si quelque chose doit l'humilier, c'est son infériorité devant Dieu, et son impuissance à sonder la profondeur de ses desseins et la sagesse des lois qui règlent l'harmonie de l'univers. Reconnaissez la grandeur de Dieu à cette admirable harmonie qui fait que tout est solidaire dans la nature. Croire que Dieu aurait pu faire quelque chose sans but et créer des êtres intelligents sans avenir serait blasphémer sa bonté qui s'étend sur toutes ses créatures. Question. Cette période de l'humanité commence-t-elle sur notre terre? Réponse. La terre n'est pas le point de départ de la première incarnation humaine. La période de l'humanité commence en général dans des mondes encore plus inférieurs, Ceci, cependant, n'est pas une règle absolue, et il pourrait arriver qu'un esprit, dès son début humain, fût apte à vivre sur la Terre. Ce cas n'est pas fréquent et serait plutôt une exception. Repère 608, question. L'esprit de l'homme, après sa mort, a-t-il la conscience des existences qui ont précédé pour lui la période de l'humanité ? Réponse. Non, car ce n'est pas de cette période que commence pour lui la vie spirite. Et c'est même à peine s'il se souvient de ses premières existences comme homme, absolument comme l'homme ne se souvient plus des premiers temps de son enfance, et comme moins du temps qu'il a passé dans le sein de sa mère. C'est pourquoi les esprits vous disent qu'ils ne savent pas comment ils ont commencé. Repère 609. Question. L'esprit, une fois entré dans la période de l'humanité, conserve-t-il des traces de ce qu'il était précédemment, c'est-à-dire de l'état où il était dans la période qu'on pourrait appeler antéhumaine ? Réponse. C'est selon la distance qui sépare les deux périodes et le progrès accompli. Pendant quelques générations, il peut y avoir un reflet plus ou moins prononcé de l'état primitif, car rien dans la nature ne se fait par brusque transition. Il y a toujours des anneaux qui relient les extrémités de la chaîne des êtres et des événements. Mais ces traces s'effacent avec le développement du libre-arbitre. Les premiers progrès s'accomplissent lentement, parce qu'ils ne sont pas encore secondés par la volonté. Ils suivent une progression plus rapide à mesure que l'esprit acquiert une conscience plus parfaite de lui-même. Repère 610. Question. Les esprits qui ont dit que l'homme est un être à part dans l'ordre de la création se sont donc trompés ? Réponse. Non. Mais la question n'avait pas été développée, et il est d'ailleurs des choses qui ne peuvent venir qu'en leur temps. L'homme est, en effet, un être à part, car il a des facultés qui le distinguent de tous les autres, et il a une autre destinée. L'espèce humaine est celle que Dieu a choisie pour l'incarnation des êtres qui peuvent le connaître. Grand titre. Métempsychose. Repère 611. Question. La communauté d'origine dans le principe intelligent des êtres vivants n'est-elle pas la consécration de la doctrine de la métempsychose ? Réponse. Deux choses peuvent avoir une même origine et ne se ressembler nullement plus tard. Qui reconnaîtrait l'arbre, ses feuilles, ses fleurs et ses fruits dans le germe informe contenu dans la graine d'où il est sorti ? Du moment que le principe intelligent atteint le degré nécessaire pour être esprit et entrer dans la période de l'humanité, il n'a plus de rapport avec son état primitif et n'est pas plus l'âme des bêtes que l'arbre n'est le pépin. Dans l'homme, il n'y a plus de l'animal que le corps et les passions qui naissent de l'influence du corps et de l'instinct de conservation inhérente à la matière. On ne peut donc pas dire que tel homme est l'incarnation de l'esprit de tel animal et par conséquent, la métempsychose, telle qu'on l'entend, n'est pas exacte. Repère 612. Question. L'esprit qui a animé le corps d'un homme pourrait-il s'incarner dans un animal ? Réponse. Ce serait rétrogradé et l'esprit ne rétrograde pas. Le fleuve ne remonte pas sa source. Repère 613. Question. Tout erroné que soit l'idée attachée à la métempsychose, ne serait-elle pas le résultat du sentiment intuitif des différentes existences de l'homme ? Réponse. Ce sentiment intuitif se retrouve dans cette croyance comme dans beaucoup d'autres, mais, comme la plupart de ces idées intuitives, l'homme l'a dénaturée. Commentaire. La métempsychose serait vraie si l'on entendait par ce mot la progression de l'âme d'un état inférieur à un état supérieur où elle acquierrait des développements de transformeurs qui transformeraient sa nature. Mais elle est fausse dans le sens de la transmigration directe de l'âme, de l'animal dans l'homme et réciproquement, ce qui impliquerait l'idée d'une rétrogradation ou de fusion. Or, cette fusion ne pouvant avoir lieu entre les êtres corporels de deux espèces. C'est un indice qu'elles sont à des degrés non assimilables et qu'il doit en être de même des esprits qui les animent. Si le même esprit pouvait les animer alternativement, il s'ensuivrait une identité de nature qui se traduirait par la possibilité de la reproduction matérielle. La réincarnation enseignée par les esprits est fondée au contraire sur la marche ascendante de la nature et sur la progression de l'homme dans sa propre espèce, ce qui ne lui ôte rien de sa dignité. Ce qui le rabaisse, c'est le mauvais usage qu'il fait des facultés que Dieu lui a données pour son avancement. Quoi qu'il en soit, l'ancienneté et l'universalité de la doctrine de la métempsychose et les hommes éminents qui l'ont professé prouvent que le principe de la réincarnation a ses racines dans la nature même. Ce sont donc bien plutôt des arguments en sa faveur qui ne lui sont contraires. Le point de départ de l'esprit est une de ces questions qui tiennent au principe des choses et sont dans le secret de Dieu. Il n'est pas donné à l'homme de les connaître d'une manière absolue et il ne peut faire à cet égard que des suppositions, bâtir des systèmes plus ou moins probables. Les esprits eux-mêmes sont loin de tout connaître. Sur ce qu'ils ne savent pas, ils peuvent aussi avoir des opinions personnelles plus ou moins sensées. C'est ainsi, par exemple, que tous ne pensent pas de même au sujet des rapports qui existent entre l'homme et les animaux. Selon quelques-uns, l'esprit n'arrive à la période humaine qu'après s'être élaboré et individualisé dans les différents degrés des êtres inférieurs de la création. Selon d'autres, l'esprit de l'homme aurait toujours appartenu à la race humaine sans passer par la filière animale. Le premier de ces systèmes a l'avantage de donner un but à l'avenir, des animaux qui formeraient ainsi le premier anneau de la chaîne des êtres pensants. Le second est plus conforme à la dignité de l'homme et peut se résumer ainsi qu'il suit. Les différentes espèces d'animaux ne procèdent point intellectuellement les unes des autres par voie de progression. Ainsi, l'esprit de l'huître ne devient point successivement celui du poisson, de l'oiseau, du quadrupède et du quadrumane. Chaque espèce est un type absolu, physiquement et moralement, dont chaque individu puise à la source universelle la somme du principe intelligent qui lui est nécessaire selon la perfection de ses organes et l'œuvre qu'il doit accomplir dans les phénomènes de la nature et qu'à sa mort il rend à la masse. Ceux des mondes plus avancés que le nôtre sont également des races distinctes, appropriées aux besoins de ces mondes et au degré d'avancement des hommes dont ils sont les auxiliaires, mais qui ne procèdent nullement de ceux de la terre, spirituellement parlant. Il n'en est pas de même de l'homme. Au point de vue physique, il forme évidemment un anneau de la chaîne des êtres vivants, mais au point de vue moral, entre l'animal et l'homme, il y a solution de continuité. Comme l'homme possède en propre l'âme ou esprit, étincelle divine qui lui donne le sens moral et une portée intellectuelle qui manque aux animaux. C'est en lui l'être principal, préexistant et survivant au corps en conservant son individualité. Quelle est l'origine de l'esprit? Où est son point de départ? Se forme-t-il du principe intelligent individualisé? C'est là un mystère qu'il serait inutile de chercher à pénétrer et sur lequel, comme nous l'avons dit, on ne peut que bâtir des systèmes. Ce qui est constant et ce qui ressort à la fois du raisonnement et de l'expérience, c'est la survivance de l'esprit, la conservation de son individualité après la mort, sa faculté progressive, son état heureux ou malheureux proportionné à son avancement dans la voie du bien, et toutes les vérités morales qui sont la conséquence de ce principe. Quant au rapport mystérieux qui existe entre l'homme et les animaux, c'est là, nous le répétons, le secret de Dieu, comme beaucoup d'autres choses dont la connaissance actuelle n'importe point à notre avancement, et sur lesquelles il serait inutile de s'appesantir.